Allez, on est de retour dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h pour... on va attaquer la deuxième heure, je suis un peu perdu. On va attaquer la deuxième heure, on va parler évidemment du match de dimanche 15h à la Beaujoire et avec les supporters. Les Girondins de Bordeaux vont affronter le FC Nantes dans un match ô combien important pour la course à l'Europe pour les Girondins et pourquoi pas pour les Nantais qui sont plutôt dans une bonne passe s'ils arrivent à battre les Girondins. Et bien pourquoi pas espérer aller gratter un petit peu plus haut puisqu'ils sont 8e avec 42 points. Et pour parler avec nous de ce match, nous accueillons tout de suite au téléphone et en direct, il est là, bonsoir monsieur Clément Pédron, journaliste à Ouest France. Oh putain, il a réussi. Bravo. Bonsoir. Bon, faut que tu saches quand même que Seb nous a demandé ton nom 4 fois en 2 minutes. Pas, c'est pas le nom, c'est le prénom. C'est le prénom. Que forcément, on se souvient de Stéphane Pédron. Voilà. Donc voilà. Aucun lien de parenté, je suppose. Hein. J'imagine. Ah non, je suis désolé. Je sais pas qui c'est, je dois t'avouer. Que ouais, alors c'est un ancien joueur de Lorient. Et du PSG, de Saint-Etienne, je crois aussi. Enfin, il avait ça a été un joueur de Lyon. Super joueur de. Oui, oui, c'est un bon joueur. Un alors, bon pied gauche. Avant de, messieurs, de vous lancer sur ce match, juste rappeler quand même deux trois petites stats, notamment au niveau des confrontations. Il y a eu 64 Nantes-Bordeaux dans l'histoire de la Ligue 1. Les Nantais en ont gagné 26 chez eux, 17 matchs nuls. Bordeaux n'a gagné que 11 fois à Nantes. Et la dernière fois que Bordeaux s'est imposé à Nantes, c'était, faut remonter à 2009, l'année du titre. Le 17 janvier, Bordeaux s'était imposé 2-1. Sinon, depuis, c'est 2 nuls, notamment l'an dernier, et une défaite en 2014. Puis entre-temps, Nantes a fait 2. On n'a pas les groupes encore, donc ça va être un petit peu compliqué. Non, on n'a pas les groupes, mais on avait déjà le petit prono. Allez, avant que je donne le prono général, alors qu'il va forcément être plus girondin que Nantes. C'est... On pense que ce sera une victoire bordelaise. Clément, la très bonne dynamique nantaise depuis l'arrivée de Conceição sur le banc, moi c'est ça qui me refroidit un petit peu. Il y a encore 2-3 mois, je t'aurais dit que Bordeaux pouvait aller gagner à Nantes. Je dis pas que c'est pas, voilà, que c'est pas faisable, mais je pense que ça va être quand même très très très compliqué face à une équipe qui ne lâche absolument rien. Alors ils ont changé d'état d'esprit, c'est quand même assez incroyable comment un coach arrive à insuffler un truc comme ça à un groupe. On a clairement vu, hein, on a clairement vu depuis décembre et son arrivée, il y a eu un truc qui s'est passé. Clairement, on le sent au niveau des entraînements, des matchs, les joueurs en parlent, hein, ils disent il y a vraiment Conceição nous donne une certaine dynamique et extrêmement derrière notre dos, voilà, donc à chaque mauvais passe, à chaque mauvaise action, il est là donc à rectifier et tout. Et tu le ressens. On voit vraiment sur des joueurs comme Rongier ou Gillet ou encore Thomasson, hein, qui était pas forcément titulaire au début sous Girard, il a vraiment métamorphosé, hein, certains joueurs. Je pense souvent à Rongier qui sortait d'une très grave blessure, qui est vraiment métamorphosé et donc qui survole les matchs à chaque fois. Donc depuis Nantes est à 4 matchs sans défaite pour l'instant, et à chaque fois c'est Rongier qui vraiment met le rythme, et avec Gillet ils font vraiment la paire, et justement c'est ce qui c'est eux les pièces maîtresses pour l'instant de la bonne formation nantaise. Alors avant de donner la parole à Alexis, juste pour rappeler, hormis un 4-0 pris à Monaco, mais bon, qui n'a pas pris 4 buts contre Monaco cette saison, on est bien placé pour le savoir. Montpellier, Nantes a quand même gagné 3-2 à Montpellier, a fait match nul face à Nice à la maison 1 partout, a battu Angers toujours à la maison 2-1 et sort d'un match nul à Saint-Etienne 1 but partout. Donc c'est plutôt une bonne série, Alexis. Ouais, moi j'avais une question parce que dès l'arrivée de Conceição, on a parlé de méthodes de travail qui ont changé. C'était presque révolutionnaire. Est-ce que ça a vraiment changé les habitudes des joueurs nantais et des mentalités? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est juste le discours qui est complètement différent? Non, ça a été vraiment dès l'impact. En fait, dès que Conceição est arrivé, il a vraiment mis un point d'honneur déjà. Donc tout d'abord, il faut savoir que les joueurs nantais prennent le petit déjeuner ensemble déjà. Donc ils passent vraiment du début à la fin de la journée, donc à la Jaunelière. Donc vraiment ça. Et donc ça passe déjà par là, donc histoire d'être ensemble déjà du début de la journée à la fin. Et voilà, et c'est des entraînements qui sont marqués par du rythme et toujours avec une pression de l'entraîneur qui est toujours là, toujours derrière si vous voulez, donc à la moindre mauvaise passe ou voilà, à encourager et tout. Et donc il a vraiment inculqué cet état d'esprit, puisqu'il est portugais, donc il est vraiment... De par donc ça qui inculqué, c'est ce qui se retrouve dans tous les matchs du FC Nantes, hein, quand, voilà, c'est vraiment d'aller chercher au plus loin vraiment pour essayer d'arracher au minimum le match nul et éventuellement la victoire, et c'est ce qui s'est passé sur certains matchs, certains précédents matchs. Il a aussi réussi à faire plier Kita. On a l'impression que par rapport à Gérard, lui qui est venu pour un peu chambouler tout au club, Kita lui a dit oui, je mettrai les fonds. Car dans son discours, Kita a dit contre CSAO, c'est un entraîneur qui il faut que vous mettiez les fonds pour le garder. Et apparemment, Kita adore contre CSAO. Ouais, mais moi, je vais être ouais, un ouais, il lui a dit ça, il lui a dit voilà, je te prends, je mets l'argent, et puis quand c'est ça ou attends que ça, on lui a donné bon assez peu de moyens, je veux dire, au mercato d'hiver, c'est souvent des prêts qu'on a eu. Mais et voilà, il a dit clairement, quand c'est ça ou a dit à monsieur Kita et au fils Kita, voilà, le terrain c'est moi, les bureaux c'est vous. Voilà, il gère extrêmement ça, voilà, il a vraiment sanctuarisé le vestiaire. C'est lui le boss, tout simplement. Voilà, c'est lui qui gère tout l'investir. Et M. Kita et son fils n'ont rien à voir et n'ont aucune prise de fonction, aucune décision à faire sur vestiaire. Alors moi, ça me surprend quand même quand j'écoute, quand j'entends parler de Nantes. Désolé, je vous ai coupé. Nantes reste quand même sur une très bonne seconde partie de période, puisqu'en 13 matchs, Nantes c'est 20 points. On aime bien parler de nous de la série bordelaise, puisqu'on a pris 24 points en 7 matchs. Nantes c'est 20 points, c'est la 6ème équipe derrière Angers qui est 5ème de Ligue 1 en 2017. 6ème équipe avec moins de haut goal average, donc 6ème. Mais j'ai quand même l'impression. Je vous écoute, j'ai entendu Seb qui n'était pas très confiant, pareil pour Adrien, j'entends ton discours, alors je vais peut-être faire un petit peu le supporter bordelais, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui la dynamique elle est bordelaise et que les Nantais ont plus à craindre de Bordeaux qui est dans la position du chassé, qui peut mettre la pression sur Marseille et Saint-Etienne qui se rencontrent le dimanche soir. Que l'inverse, j'ai l'impression que, à vous entendre, que Bordeaux craint Nantes. Nantes peut revenir à 4 points. J'ai jamais dit ça. Si Bordeaux, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que Nantes n'a rien à perdre. Mais Bordeaux n'a rien à perdre. Bordeaux a une 5ème place. Mais que dalle. De toute façon, ils savent que très bien que Marseille et Saint-Etienne vont s'affronter. Donc quoi qu'il arrive, oui, ils vont s'y mobiliser. Quoi qu'il arrive, t'assures ta 6ème place. Ils étaient 19ème avant la trêve. Ils se retrouvent aujourd'hui 8ème. Quoi qu'il en soit, leur saison, elle est sauvée. Elle est limite réussie. Et nous, l'objectif, c'est la 7ème place. D'accord. Mais là où je te dis que nous, on a rien à perdre, c'est qu'au final, on a peut-être quelque chose à jouer. Et au final, non, t'as peut-être aussi sur le dimanche, ils ont plus rien à jouer. Oui, non, mais une éventuelle 6ème place. Parce qu'il y a Marseille Saint-Etienne dimanche aussi, oui. Je crois. Donc tout reste possible pour eux. Et surtout qu'en plus, ils ont un joueur en forme en ce moment qui est arrivé au mercato d'hiver, Nakulma. Qui a pris le relais de Salah un peu, qui a fait un bon début de saison. Non, il a pris sa place. Salah n'a pas de relais, si tu veux. Salah, il joue en ce moment, c'est le meilleur buteur du club, non? En ce moment, il a 9 buts. Ouais, il joue en 4-4-2, donc avec Salah. Voilà, Salah a fait un bon début. Après, bon, voilà, depuis c'est Nakulma qui a pris un peu le relais avec ses 5 buts. Bon, il marque. Est-ce que justement, il se repose pas trop sur lui? Oui. Est-ce que justement, ils ne se reposent pas trop sur justement la forme d'un accoulement en ce moment, les joueurs nantais? Pour l'instant, c'est lui qui mène, on va dire, la barque nantaise en attaque. Après, c'est possible que Salah prenne le relais. Salah aime bien distribuer, il court beaucoup, il fait énormément d'efforts défensifs. Mais voilà, après on a Stepinski, Bamou qui n'a pas fait une rentrée extraordinaire contre Saint-Etienne comme Harit. Mais pour l'instant, on marche un peu à la forme du moment. Là, Nakulma est en plein bourre, de doubler. Là, un but contre Saint-Etienne sur une passe décisive de Kasmiklic, qui est d'ailleurs métamorphosé. Hein, il a fait une bonne vingtaine de minutes super sympa à voir contre Angers. Là, il fait une passe décisive. Le pseudo a été sous l'air contestation, en tout cas, a été vraiment métamorphosé. Donc, pourquoi pas? Je pense que sur la dynamique, Nakulma peut éventuellement marquer ce nom de Bordeaux. Voilà, ça va être sur la dynamique. Voilà, il est sur un but le match précédent. Il peut poursuivre, hein, je pense. Moi, j'ai une question purement tactique. On sait que Bordeaux, c'est une équipe qui aime défendre bas et qui aime utiliser les attaques rapides. Et on a des joueurs faits pour ça. Mais moi, la grosse question que j'ai, moi, je vois une équipe de Nantes, même sous Conte Sao, qui a des valeurs de combat, mais qui n'a pas forcément une équipe pour faire le jeu. Comment se retrouve Nantes quand ils sont dans l'obligation de faire le jeu? Est-ce que c'est... Parce que Nakulma, ça a l'air d'être quelqu'un qui a besoin d'espace et compagnie. Et comment ça se passe, à votre avis, si, dans cette configuration tactique-là? C'est compliqué, parce que Nantes adore presser haut. Ils adorent ça, et donc ils viennent agresser l'adversaire. Après, voilà, ils ont pas, on n'a pas non plus les joueurs pour faire le jeu pendant 90 minutes. Donc, ils procèdent souvent par contre. Et à ce moment-là, Nakulma est très rapide pour ça. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a eu cet hiver. C'est compliqué. Autant comme à Saint-Etienne, où ils ont pu, des fois par attaque, et ben voilà, essayer d'avoir des occasions, bon, marquer un but en l'occurrence. Après, ils ont subi à Saint-Etienne, hein, la deuxième période, ça a été très très compliqué. C'est d'ailleurs, on a pris un but de la tête de Cornier, logiquement. Hein, parce ça, c'est dur quand même. C'était, voilà, on va toujours en reparler, mais le pénalty. Nakulma qui subit une faute. Là aussi, sur la faute, je crois que c'est de Théophile Catherine, me semble. Je suis pas sûr. Mais voilà, donc ça fait deux prononcés pénalty. Alors, on n'a pas dit qu'il allait marquer, hein, mais bon, voilà, ça fait deux fois quand même. Donc, je regrette le nul de Saint-Etienne quand même. Oui, qui Alexis? Moi. Vas-y. J'en profite pour vous avoir un peu parlé de Nantes. Si on vous écoute, Conceição, c'est un peu le Jésus de Nantes. Il a tous les droits. Il peut tout faire. Honnêtement, quand t'as eu Girard, ils peuvent. Non mais vraiment, je me mets à leur place, hein, vraiment. On a failli l'avoir. Et oui, non mais voilà, pense à ça. C'est ce qu'on dit, qu'on a failli l'avoir. Ça se trouve, c'est pas vrai, mais. La question, c'est quand on connaît Kita et tout, vous pensez que quand c'est ça ou avec Nantes peut aller jusqu'où? C'est compliqué parce que faut voir ce que Kita met comme moyen. Après, quand c'est ça ou, il aime bien avoir les pleins pouvoirs. C'est pour ça, et connaissant Kita, c'est compliqué. Là. Voilà, et connaissant Kita, ça dépend. Donc, quand c'est ça ou est réputé pour ne pas passer beaucoup de temps dans ses clubs. Tous les clubs qu'il a fait, il n'est pas resté plus de 2 ans. Donc, je pense à l'année prochaine, si jamais les moyens sont mis à disposition pour faire un mercato de qualité, peut-être qu'il restera. Après, voilà, on le connaît, hein, c'est un sanguin. Il avait déjà eu des soucis avec des présidents et tout. Donc, ouais. Voilà, c'est un Portugais. Voilà, c'est un ancien joueur de la Lazio avec un fort caractère. Donc si pour l'instant l'entente Kita Conceição a l'air de fonctionner, après Après, comment dire, voilà, faut voir sur la durée, faut voir les moyens mis à disposition du coach sur ce mercato-là. Faut voir, voilà, donc si il compte prolonger son aventure à Nantes. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Après, voilà, tout dépend de Kita. J'ai envie de dire, hein, tout dépend de Kita, des moyens qu'il met à disposition, de l'ambiance qu'il y a dans le, on va dire, à l'intérieur de la direction et avec le staff technique. Donc voilà. Et pour parler du match, savoir, oui. Si vous avez un joueur à piquer à Bordeaux, ça serait qui? Pungé. C'est compliqué parce qu'on a une belle équipe, non? bonne réponse. Très bonne réponse. Voilà. Non, on veut bien vous filer. On peut vous filer Contento. Kabouni. Non, pas en ce moment. Kabouni, on peut vous filer Pungé, on peut vous filer des gars comme ça. Un petit Thomas Touré. Touré, des bons gars, quoi. Alors, Touré, si vous le connaissez pas, c'est Aminarit 2.0. C'est-à-dire qu'il est un peu plus vieux, mais pas trop. Un peu plus blessé. Et un peu plus blessé. Et surtout. Beaucoup plus. Que cette Sao, on le voit. Après, c'est qu'une impression, c'est que. Et le match de Saint-Etienne confirme un peu ça. C'est que, avec l'effectif actuel, c'est difficile de mettre cette pression et tout ça pendant 90 minutes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans le match, alors soit c'est 30 minutes, soit c'est une mi-temps, où Nantes n'arrive plus à tenir la pression et oui, du ça, coup c'est... est plus. Il y a toujours fébrile. Des temps forts et des temps faibles. Non, mais c'est toutes les équipes pareilles. Non, non, mais ça peut être vraiment et c'est vraiment marquant des fois, surtout sur le jeu que met en place contre CSAO. Je trouve que c'est marquant. On avait notamment vu lors du match contre Angers où ils avaient eu des difficultés aussi. Ils leur demandent beaucoup physiquement. C'est peut-être pour ça aussi que oui. D'un moment ça coince. Ah bah on l'a vu de toute façon. On l'a vu à Saint-Étienne. On a eu des occasions. Il y a eu une super frappe de Léo Dubois sur la gauche. C'était magnifique. On a mis le but et après voilà. On sent que Nantes c'est un peu plus dur. La pause arrive. Et alors la seconde période, c'est très très compliqué. On aimerait pas, mais on se dit qu'il y a un moment où ça va forcément lâcher. Et voilà, et c'est arrivé la semaine dernière, hein, Stéphanois, une tête de check de Cormier, and bang du droit surtout. Et puis voilà, et on sentait de toute façon que ça pliait. Mais là, bon, sur ce match, ça a craqué. Au final, bon, c'est un peu décevant. Ce match nul contre Saint-Étienne a été décevant parce que bah, voilà, penalty, on en a déjà parlé. Parce que il y a un joueur stéphanois qui doit être expulsé. Donc voilà. Après, Nantes a été un peu en deçà durant la seconde période. De toute façon, il n'y a pas à en douter. Ça a été le cas. Et donc voilà, le match contre Nice c'était pareil, on a joué, on a mis un but, et puis après c'est un peu plus compliqué, on n'arrive pas forcément à tenir la cadence. Mais voilà, et c'est ça, c'est le jeu de Contitao, c'est mettre du rythme, et forcément quand t'as un effectif qui n'a pas forcément l'habitude du pressing haut et dynamique, il y a forcément un moment où ça lâche un petit peu. Et là en l'occurrence bon ça a plié contre Nice puisqu'on a encaissé un but. Là quand on s'adétienne ça a plié, bon c'est un match nul, ça reste un point, mais c'est dommage au vu de la physionomie du match. Il manque encore peut-être à l'équipe la gestion des temps faibles. Après ça sera au cours du temps, mais ouais c'est peut-être le défaut qu'aurait Nantes, c'est la gestion des temps faibles. Il reste 5 jours. Non, mais après une terme, ça peut être intéressant. J'avoue qu'on n'a pas vraiment suivi si bon des blessés, je pense pas qu'il y en ait ou de très graves ou de très longue durée. Non, il me semble pas, non. Des suspendus non plus. Je crois pas. Un petit Nakulma suspendu. Je crois. Alors. Non. C'est ce sera contre Caen qui qui sera suspendu. Forcément. À chaque fois que des joueurs importants sont suspendus, c'est pas contre nous. Il y avait Essery Kadis, il n'était pas suspendu. Nakuma, il n'est pas suspendu. Ça sera contre quand Adornano ou Nakuma sera suspendu. Non, un fait qui peut être dommageable pour le FC Nantes, ce sera l'absence de Matos, donc de la Brigade Loire, dimanche. Ah, bon, ah oui. Ah, ils sont c'est toujours pas réglé cette histoire. Voilà, donc, parce qu'il y a eu des incidents la semaine dernière lors du match de Gambardella. Oui, exact. Les 19 de Nantes qui jouaient contre Marseille. Voilà, donc il y a eu des incidents, j'en dirai pas plus parce que j'étais pas là, donc je sais pas. Mais, ça a un petit peu dégénéré en tribune. La conséquence, c'est que donc la direction a interdit le matos donc en tribune noire pour le match de Bordeaux. Donc voilà, donc absence de matos, on n'a pas dit d'ambiance, on a dit de matos, donc voilà, c'est le seul fait qui est dommageable déjà pour Nantes. Ouais, c'est pas la première année que on en parle. C'est marrant parce que c'est exactement le débat qu'on a eu dans la première heure sur les supporters. On a parlé de notre cas à nous avec l'histoire. Je sais pas si t'as pu suivre un peu l'interdiction de déplacement qui finalement a été levée. Et c'est vrai que c'est pas la première année que Nantes a des petits soucis de temps en temps avec certains supporters. Et ouais, il y a un conflit qui est assez ancien et qui apparemment ne se règle pas d'année en année. Je sais pas où ça va aboutir à quoi. C'est compliqué parce que on avait l'impression qu'il y avait eu un certain renouveau. Alors pas complètement, hein, mais au moins il y avait eu un pas en avant ces dernières semaines entre Nantes et puis le principal groupe de supporters nantais. Il y avait un pas en avant. On sentait qu'il y avait une réelle envie de chaque côté. Voilà, de petit à petit remettre de l'ambiance. Donc c'est venu par donc de la mise en place d'un mégaphone, voilà, des tambours, mais pas complètement. Et donc on était en phase où pour l'instant c'était revenu que partiellement. Et voilà, et avec l'incident de dimanche, voilà. Donc on est revenu, j'avais tweeté ça, on a fait un gros pas en arrière. Alors je dis on par rapport à la tribune noire tout entière, mais ça a été un grand pas en arrière parce que voilà, on interdit son matos, donc c'est un grand retour en passé. C'est dommage parce que ça pénalise tout le monde, nous, parce que voilà, on peut pas chanter comme on veut et au rythme qu'on veut, et puis les joueurs, parce que forcément quand au niveau compliqué, voilà, c'est une énergie en plus. Donc c'est vrai que c'est dommage. Après, voilà, il va falloir faire avec. Il reste encore deux autres matchs, donc la réception de Lorient et Guingamp. Voilà. Bonne ambiance aussi. On va se faire du les presque derby de la Bretagne. Avant de passer à la compo bordelaise et à nos... Bon, les pronoms, on les a déjà fait un petit peu tout à l'heure. Si je reprends la même compo qu'à Saint-Etienne, de Nantes à Saint-Etienne, Clément, à savoir Dupé dans les buts avec... Il est toujours Paris-Ou ? Non, il a changé. Il a décidé de changer. Avec, c'est très bien du coup. D'accord, ok, d'accord. Ah oui, on en est là, très bien. Si je te dis Diego Carlos, Lima, Dubois, Gigi, Thomasson, Harit, Nakulma, Gillet, Rongier, Salah, on est... Kassani-Klitsch, pardon, à la place de Harit. Ouais, à la place d'Harit. On va être sur cette équipe-là. Et c'est lequel de Nantes qui a mis un but de fou là, il y a 2-3 semaines là. Prado, ah oui, c'est lui. Ah oui, ouais. Camille Paoletta. Exact, ouais. La vache. C'était Prado. Il joue pas. Il est blessé, non. Je pense qu'on sera sur une compo ou alors un peu sûrement prêt parce que on a pas de blessés ou alors pas que je sache, mais voilà, Harit et Danou, on fait une rentrée on va pas dire fantomatique, mais on les a très peu vus, hein. Et puis ces deux joueurs-là, ça fait longtemps qu'ils sont sur le banc, qu'ils avaient besoin de jouer. Et c'est pas forcément leur rentrée la semaine dernière qui leur a fait marquer des points. Donc non, je pense qu'honnêtement, on va rester sur ce genre de compo. La charnière Diego Carlos Gigi, c'est pas mal, même si bon, Gigi a quelques moments des moments d'égarement. Un peu compliqué. Diego Carlos, c'est un très bon défenseur, hein, une bonne recrue en tout cas. Et puis après, sur les latéraux, ça monte bien quand il faut. Bon, forcément, Lima, c'est pas hyper précis sur les centres ou corners quand il faut, mais il apporte, voilà, on a beau le critiquer, il apporte. Après, la paire Gillet-Rongier, voilà, comme je disais en début d'émission, bon, avec Contessao, ça a vraiment donné du peps, c'est vraiment dynamique. Rongier est très souvent dans les meilleures notes du match. Et voilà, Kafenitich, vraiment la bonne surprise depuis quelques matchs. Voilà, on avait peur un peu, on n'avait pas envie qu'il fasse une Thompson qui est partie à Copenhague au mercato d'hiver. Et puis bizarrement non, il est bien revenu, il avait fait une bonne partie contre Angers. Là c'est lui qui délivre la passe décisive pour Nakulma. Voilà, Thomasson qui était un peu en deçà sous Girard, là qui reprend un peu des couleurs. Et puis, qui est un très bon joueur. Et puis c'est Nakulma devant. Cela, quoi qu'on en dise, hein, il peut être maladroit des fois, mais je le répète, il faut les efforts défensifs et vraiment c'est deux valeurs sûres, oui, on peut le dire parce qu'ils sont installés quand même de l'once de départ un petit peu depuis, parce que bon, Stepinski a joué en CFA la semaine dernière, à lui de revenir, c'est lui qui joue avec les U21 de la Pologne, voilà, à lui de se donner des moyens de reprendre sa place éventuellement. Après, Bamou, Harit, voilà. Harit a eu un petit moment d'égarement il y a quelques semaines. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire. Voilà, à lui de se donner aussi les moyens. Mais non, je pense honnêtement, on va partir sur cette compo-là contre Bordeaux dimanche. Est-ce que Contessao a l'habitude de réaligner le même 11 type, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, ou est-ce que ça lui arrive de varier ses tactiques, enfin cette compo de début de match en tout cas? Bah, ça dépend. Là, si on part sur la compo de Nantes-Angers et Saint-Étienne-Nantes, c'est la même. C'est la même. C'est la même, sauf qu'il a gardé les 11 mêmes. Après, voilà, il a récemment mis Harit sur le banc. Il a réinstauré Kacenetlić. Voilà, il y a eu des périodes où c'était Julie Loki qui était au milieu de terrain. Bon voilà, là pour l'instant c'est la période de Kacenetlić. Il l'a dit, hein, il fonctionne par période, hein, ça dépend. Si le joueur est en bonne forme et qui réalise des prestations, on va dire, intéressantes, il jouera. Il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Là voilà, bon, pour l'instant c'est Bamou, c'est Harit, c'est Iloki, c'est Prado sur le banc. Et ben ça peut être amené à changer. Il fonctionne en tout cas par période et par au niveau de. Voilà, de la mentalité déjà, et puis de la forme du moment. Donc pour l'instant on est parti sur deux mêmes compos lors des deux derniers matchs. Ça m'étonnerait que ça change généralement, sauf cataclysme, hein, mais je pense pas que ça devrait changer. Moi j'ai une question sur Contessao. Est-ce qu'il a préparé cette semaine défensivement en pensant s'adapter aux Girondins, quand on sait que depuis 2017 il y a 5 personnalités qui sont capables de marquer? Et peu importe qui se retrouve devant les cages, quand on parle de Camano, Malcolm, Laborde, Vada, Sankaré, c'est des joueurs qui sont très très performants depuis quelques mois. Est-ce que vous savez si Contessao va adapter son système? Est-ce que vous pensez le savoir? Honnêtement, non, je ne sais pas s'il a vraiment, parce que je ne suis pas aux entraînements, donc je ne sais pas si au niveau de son coaching, il a vraiment... Il a vraiment mis en condition ses joueurs pour dire bon bah là on joue Bordeaux, donc un tel, on va falloir faire attention. Non, je pense que il suit de toute façon les autres formations, donc il regarde les matchs forcément, bon là en l'occurrence de Bordeaux, et regarde les autres matchs. Mais non, je pense qu'il voit au niveau de la forme actuelle de Bordeaux, au niveau de ses attaques, comment est-ce que ça joue. Et là en l'occurrence, au niveau des bois, je pense pas, mais bon, forcément il va dater. Alors au niveau de la pas au niveau de la formation, au niveau des stratégies, éventuellement soit de relance ou de contre-attaque, C'est en ce sens que ça va peut-être changer, hein. Je dis peut-être parce que j'en sais rien, je vis pas avec lui, je suis pas aux entraînements, mais voilà, il y aura pas c'est Bordeaux, voilà, on a joué Saint-Etienne, il y a quelques semaines on joue Nice, voilà, il y avait des changements au niveau de la tactique, mais voilà, pas non plus pas de grands changements en termes de joueurs en tout cas. Et il y avait un joueur, moi, Nantais, qui avait fait un peu polémique entre guillemets. C'est Sigtorsson. En janvier, on n'avait plus de nouvelles de lui. Il devient quoi? Alors Sigtorsson, c'est un peu compliqué parce que d'après les échos que j'avais eus, donc il était rentré chez lui, donc en échange, sachant que bon, il avait. Il a joué avec Nantes, bon, il n'a pas marqué énormément de buts, mais il savait qu'il allait jouer l'Euro 2016, et donc il s'est un peu préparé avec ça, si vous voulez. C'est que l'investissement n'était pas à 100% du côté de Nantes, parce qu'il avait dans cet objectif-là de l'Euro. Au final, il a réussi un surtout qu'on connaît le parcours assez bon Euro. Après voilà, il est reparti à Galatasaray, sauf que là-bas il s'est blessé assez gravement, il me semble, à un genou qui a fait qu'il a joué aucun match, qu'il est resté tout le temps blessé, et donc il est revenu à l'hiver, il est revenu à Nantes en fait sans qu'on sache où est-ce qu'il était. Et parce qu'il voulait déjà passer une visite médicale par rapport à son genou. Et donc, sauf qu'il a, en fait, il a prévenu personne. Et donc, en fait, son cas n'est pas réglé. Son cas n'est pas réglé parce que il me semble qu'il est toujours sous contrat. Mais voilà, donc il y a une période où on ne savait pas où il était. Là, on sait qu'il était à une certaine période à Nantes. Mais voilà. Non, apparemment, il était à Lyon hier soir pour lui en faire voilà. Matcher quoi. Mais voilà, on sait que depuis fin décembre, voilà, Galatasaray avait informé que donc ils ont dit via un communiqué qu'il ne faisait plus partie de l'équipe parce qu'il avait mis fin au contrat. Donc il avait joué donc aucun match aucune minute. Donc voilà. Sigtorsson, c'est un peu un joueur, ouais, ça a été un longtemps, on va dire pas un problème, mais un sujet d'interrogation, parce que voilà, donc Kittel avait fait venir en disant c'est mon joueur, quelques millions, et il avait dit au moment de l'acheter, donc il l'a fait venir. C'est vraiment Kita qui a dit qu'il voulait de lui, donc voilà. Et bon, au final, bon, ça n'a pas été une révélation, voilà. Mais ça relève toujours d'une question d'interrogation en fait, lui, parce que voilà, on sait qu'il a c'est assez compliqué au niveau de sa visite clinicale. On sait pas trop ce que ça en devient. Je sais pas. Parfait, messieurs, on va juste avant de se quitter, parce qu'on l'a pas fait, un d'entre vous, pas des 5 en même temps. Tiens, Cyril, tu nous donnes ta compo pour dimanche de Bordeaux. Celle que je pense qu'il va avoir lieu, ben, ça va être Carasso, Contento, Palo, Alevchuk, à droite, Sabali. Sachant que qui est suspendu? On a un suspendu, mais je sais plus qui c'est. C'est l'autre défenseur. C'est Jovanovic. Sabali à droite, donc milieu classique Toulalan, Sankaré, Vada et Malcolm Laborde, Camano. On est tous d'accord, ce sera ça. Ouais. C'est l'équipe type, des Girondins depuis 17. Dès qu'on tourne, on gagne pas quoi, c'est bizarre. Et puis Clément nous a dit un brave 2-1 pour Nantes. Voilà, bon, ce sera 2-1 mais pour Bordeaux. On t'invite lundi à réagir si t'es OK. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça va être ça. Merci beaucoup, Clément, Pedron. Et puis, donc, on peut te retrouver dans West France. Quoi ? Ouais. J'allais dire, on peut te retrouver sur West France. Il n'y a pas de souci. Merci à vous tous. Mais de rien. Merci. Merci à toi. Bonne soirée, bon week-end et bon match. Et allez, Bordeaux. Et allez, Bordeaux. Bonne soirée, Clément. Au revoir. Merci, bonne soirée. Ciao. Bien, messieurs. Après, juste, si je me permets de conclure juste par des stats. Nantes à domicile depuis 2017 est 11e du championnat avec 10 points. Là où Bordeaux à l'extérieur depuis 2017 est 5e avec 10 points. 6 matchs joués pour Bordeaux et 6 matchs joués aussi pour Nantes. Donc au moins on se base sur la même chose. Là où on voit que Bordeaux à domicile est 3e avec 14 points. Moi personnellement, je suis désolé, je sais pas comment. Je suis vachement serein sur ce match-là. J'arrive pas du tout à avoir de pression. Pas serein avec Bordeaux. Ne le sois pas. Mais je sais pas pourquoi, mais je ne vois pas gagner là-bas. On n'a rien à perdre, Alexis. Non, mais je sais, non, mais je suis d'accord. Mais Marc, il dit ça parce qu'il a pas vu un seul match de Nantes depuis janvier. Ouais, c'est pour ça qu'il dit ça. Alors, déjà, c'est pas vrai, parce que j'ai vu celui contre Saint-Etienne. Mais typiquement, j'ai vu celui contre Saint-Etienne. J'ai vu celui contre Saint-Etienne, qui est un match récent. Qui est, j'ai envie de dire, un Bordeaux-Saint-Etienne, ça vaut le Bordeaux-Nantes, on va dire, en termes de résultats sur le début de saison. Pas forcément de jeu, mais en termes de résultats. On est sur les équipes qui se battent pour la même chose, pour la Coupe d'Europe. Non, ils se battent pour la Coupe d'Europe. Alexis, ils nous battent, ils reviennent à 4 points. 4 points s'ils gagnent. De Bordeaux. Sachant que t'as Marseille derrière et Saint-Etienne. Mais de Bordeaux. Oui, mais combien par rapport à Saint-Etienne ou Marseille? Alors attends. Je vais prendre le classement. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, mais on peut aller chercher. Alors, c'est très simple. C'est très simple. J'ai le classement. La sixième place risque d'être qualificative. Donc, Nantes a. Alors, Nantes est à 6 points de Marseille. Et ils peuvent revenir à 4 points de la 6ème place. Je sais, c'est compliqué, mais c'est pour faire des comparaisons. Je trouve que Bordeaux-Nantes, Bordeaux vaut à peu près le Saint-Etienne-Nantes. Voilà. Moi, j'ai vu Nantes, j'ai vu surtout le pauvre jeu de Saint-Etienne. Alors, moi, je me fais pas de soucis, on sera pas doublé par cette Saint-Etienne. Mais pourtant. Attention. Mais sur 2017. Je couperai le podcast juste à ce moment-là. sur 2017, on parle beaucoup de Bordeaux, de sa dynamique. Enfin, Bordeaux, avec ses deux résultats contre Nice et contre Angers. Angers, c'est de la Coupe de France, donc tu peux pas le compter dans le championnat. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, avec les résultats, mais qui sont pas si mauvais, mais avec ce mois de mars, qui ont des équipes compliquées. Alors, Saint-Etienne, il faut qu'il les joue. Mais Saint-Etienne, c'est 19 points avec un match en retard. Le match en retard, c'est contre Monaco. Mais bon, voilà, c'est pas beaucoup moins que nous. C'est nous, 24 quand même. Mais eux, ça pourrait être 22 s'ils gagnent leur match en retard. Donc. Okay. Bah, ça fait que 2 points d'écart, c'est que dalle. Donc ça veut dire aussi que Saint-Etienne fait une très bonne partie de saison et Nantes aussi avec 20 points. Donc voilà, et moi quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit, l'adversaire de Bordeaux, c'est plus. Je sais pas, c'est pas Nantes, j'arrive pas à avoir peur. Pour moi, si on n'est pas des abrutis finis, c'est-à-dire si on refait pas le même match que contre Angers. Mais t'y crois toi? Mais non, mais on aura pas la même équipe. Je suis désolé, mais moi je suis nantais, j'ai la trouille de jouer contre la KLM. Je suis désolé. Je suis désolé. Arrêtez avec ça, la KLM, c'est une société d'avions, laissez-les tranquilles. C'est clair. Non mais ça c'est un truc, on est en train d'en faire tout un sketch. Ça va. Oh, la KLM, c'est l'abord de 15 matchs en Ligue 1, Carmano. Mais c'est plus simple. C'est plus simple de dire KLM que de dire l'abord de Carmano. Viscarondo, il a 800 matchs en Ligue 1, il a peur de la KLM. Attention TSV aussi. Non mais SVT gros, oublie jamais les gars. Je suis désolé, je trouve que l'armada offensive bordelais cette l'armada. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, l'armata, c'est autre chose. L'armata, c'est autre chose. Après, vous allez me dire qu'on est en retard. On est déjà. L'armada, tu parles d'Angers. Allez. De Bordeaux, pour moi, je suis désolé. Bordeaux, c'est sur cette deuxième partie de saison, c'est 13 buts marqués pour 26. Nantes, ils en ont déjà pris 20. C'est-à-dire qu'ils prennent quasiment 2 buts par match. Ils ont marqué que 18. Je suis désolé, j'ai pas peur. Excusez-moi. Très bien, stop, pas de réaction, pas de débat. Ils ont moins de buts. Parce qu'il y a Cyril maintenant qui va se Les pronos vite fait. Les pronos, vous avez déjà donné tout à l'heure. Avant. Non, Monsieur Pedro qui les a donnés. Que Monsieur Pedro. Ah oui, après je donne les résultats. Alors ton pronos, Cyril. Moi j'ai dit 2-1 Bordeaux, mais ou match nul. Moi pour moi, je vois boucherie. Moi je vois un 0-3 ou un 4. Carrément. Ouais. Adrien pour Bordeaux. Pour qui? Ben oui. Ah bah oui, 0-3. Comme moi, t'arrives pas à avoir peur. Bon, merci. Moi, mathématiquement, il faut 2 victoires de Bordeaux sur les prochains matchs, donc victoire. Voilà, Alexis va nous sortir un 4-3. Non, 0-1 tout pourri. Ah, c'est bien aussi, ça me va, je prends. Non, moi un partout. Et ça, tu vois, il y a un nul tout à l'heure. J'ai changé d'avis. Un but de la part, un but de prépuce. Marc, de prépuce. Moi, je vois un 2-0 pour Bordeaux. 2-0 Bordeaux. Eh ben on verra qui aura raison. Moi je mets un nul partout où on va galérer moi, comme des crevards. Ah ouais. Ah oui, ok, tu nous payes l'apéro bonhomme. Alors si jamais. Non, eh, moi je peux mettre 500, je suis à tous les 4 mois. Messieurs, avant de passer au coup de gueule de au coup de cœur de Marc, on va faire le coup de. Alors tu veux un coup de boule ou un coup de. Coup de boule, coup de coude. Tu veux un coup de gueule. Alors, le coup de boule de Cyril, personne ne réagit. Oh bah attends, j'ai mis ça un coup alors. Vous vous taisez, je coupe les micros, il y a que lui qui parle et on laisse faire. Et mec, il m'a foutu un coup de boule. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique le coup de tête, vous faites comme ça. Mais aucune force. C'est de là que ça part. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Voilà. Alors, Cyril, tu voulais réagir. PSG s'est imposé 2-0 à Angers, doublé de Di Maria. Tu voulais réagir à la déclaration du directeur marketing de Puma, qui est nouveau sponsor de l'OM et qui donc a fait comme il avait fait à Rennes, à Bordeaux, à Monaco, c'est-à-dire, et en gros, il a sucé les supporters marseillais en disant que Marseille était la plus grande ville avec la ferveur connue dans le monde entier, blablabla, puisque c'est le nouvel. Mais bon, je vais te les ressortir alors, les déclarations. Et toi, t'es pas content, Cyril, parce que ce qui n'est qu'un coup de com, toi, tu l'as pris comme un affront, une trahison. Je peux lire les propos en 30 secondes, est-ce que vous les voulez ? Oui, vas-y. Ok, donc je. Pour ceux qui n'ont pas su, parce que j'ai un peu. Ah, mais les propos de là, pas de il y a 10 ans. Parce que moi, je peux retrouver de ceux d'il y a 10 ans. Non, je parle de. Est-ce que j'ai le droit de faire mon coup de bol à un moment donné ? Mais non, mais là, on te fait monter en pression pour que tu sois bien chaud. On te fait monter en pression. Juste, j'ai chambré quand même Cyril sur le sondage. C'était préparé à l'avance, donc je vais le dire avant justement que tu partes. Comment trouvez-vous les propos de Richard Tessier, directeur général de Puma France ? Scandaleux à 45%, donc les gens sont quand même de ton avis. 9% pensent que c'est réaliste, 30% sans importance. Merci les mecs. Et 16% ont dit quel propos. Alors les propos. Okay. Merci les gars. Ok, dans 5% sont d'un chauvinisme et d'une nullité absolue. Arrête, 7, t'as dit que tu réagirais pas. Les propos. J'étais à l'écoute depuis un moment de ce qui s'y passait. En France, l'OM, c'est un des deux clubs majeurs. On peut dire que sur les 50 dernières années, c'est le club majeur, le seul avec une étoile de club ayant gagné avec des champions. Dès que l'appel d'offres s'est ouvert, je suis souvent très très intéressé. L'OM va au-delà du football. Il est très proche de nos valeurs. Rébellion, révérence, cette envie de perturber en permanence l'ordre établi, de faire des choses différemment. On a bâti un business plan ensemble avec des ambitions plus fortes. La différence clé avec Bordeaux ou Rennes, c'est la résonance internationale. Avec l'OM, on va s'employer à maximiser la visibilité en France en premier lieu, mais aussi dans d'autres pays, sur d'autres continents. On s'est montré autour de ce sujet international et au plan très précis. Marseille sera traité au même niveau qu'Arsenal et Dortmund, ce qui veut dire que Bordeaux et Rennes non. Quant au traitement créatif, laissez-nous vous surprendre. Eh merde, je suis désolé. Alors, on a déjà montré notre capacité créative, on va continuer. Oh merde. Non, mais là il parle de Marseille. Ouais. Est-ce que je peux, à un moment donné, quoi. Ouais, donne tout, mon pote, c'est ta mine. Alors, je leur coupe les micros, ils pourront pas parler. Donc voilà, donc du coup, ça j'apprécie, tu vois. Et du coup, moi ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que encore qui lèche les couilles des Marseillais, j'en ai rien à foutre, c'est une marque sans honneur, on le sait. Mais clairement, qui nous dévalorise dans un truc alors qu'on n'a rien à voir, ça je suis pas d'accord. À un moment donné, ça fait 10 ans qu'on est là. Ça fait 10 ans qu'on est là avec eux. Les 130 ans, ils nous ont mis le maillot de Tottenham, ils nous ont humiliés sur l'histoire des 130 ans. Sur le Tottenham. Ben oui, nous ont fait une vague horrible pour décrire l'Atlantique. Ils nous ont fait un maillot jaune pour décrire la dune du Pilat. Ils nous ont fait des trucs, ils nous ont ridiculisés. À un moment donné, moi, j'aimerais que Monsieur Martin dise des choses clairement. Puma est une sous-marque. C'est une marque qui n'a pas la redondance d'Adidas, de Nike. Leurs produits sont des qualités en dessous. On peut le dire aussi, puisqu'on est à l'heure des comparaisons. Donc, du coup, moi, c'est un truc inadmissible. Pour moi, on ne dévalorise pas un club qui allait comme les Girondins de Bordeaux. Sur les 25 dernières années, Bordeaux a plus de titres que Marseille. Donc après, qu'ils ne soient pas d'accord, c'est leur problème. Moi, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'on compare. Maintenant, je veux voir les Marseillais, comment ils vont réagir quand ils vont avoir un maillot avec des sardines, parce que Marseille, c'est la ville de la sardine. Ils vont avoir des maillots marrons en l'honneur de l'eau de la Méditerranée. Ils vont avoir une bonne mère en plein milieu avec des photos de la bonne mère et de je sais pas quoi. Parce que la créativité de Puma, c'est la créativité d'enfants de 3 ans ou de personnes à la retraite de 98 ans. Alors, Je termine. Non mais Alexis, ça sert à rien, les micros ils sont coupés. Donc je termine sur ça, c'est-à-dire que Puma à un moment donné nous ont ridiculisé aux yeux de tous. C'est, je crois qu'on est l'équipe qui a eu les pires maillots notés. Je crois qu'on a gagné deux fois l'élection du pire maillot mondial. Bon, cette année, il n'y a pas de mal. Oui, mais deux fois en 10 ans, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on est quand même passé deux fois pour des cons dans le monde entier. Jusqu'à l'étranger, ils ont cité notre maillot jusqu'aux États-Unis comme quoi c'était le maillot le plus dégueulasse qui existait. Donc merci Puma. Non, je suis pas d'accord. Oui, mais d'accord. Mais il parle de nous. Mais on va arrêter de parler. 2020, il nous tarde qu'une chose. C'est que moi, il me tarde vraiment que Monsieur Martin se déclare que le partenariat en 2020 s'arrête et qu'on ne refera plus jamais affaire avec ça. Et je termine parce que j'ai oublié de le dire. On a quand même été jusqu'à se mettre à genoux en acceptant une mascotte représentant le logo de notre marque. Alors, de leur marque. Alors, à un moment donné, niveau soumission, on est quand même au top et on se fait soumettre par une. Sur le chat. On se soumet face à une marque qui nous crache à la gueule. Sur le chat. Donc c'est quand même une horreur. J'espère vraiment que Monsieur Martin va réagir parce que j'appelle pas ça des partenaires quand ils nous mettent des faciales et que derrière ils nous crachent dessus. Donc à un moment donné, faut arrêter. Alors, Cyril, Bob sur le chat nous dit Cyril, il fait un coup de gueule contre une personne dont il connaît même pas le nom. Mais je m'en branle de son nom. Il dévalorise pas Bordeaux. Je marque la nage. C'est la marque. Et je vais donc retrouver la déclaration de ce même monsieur. Non. S'en fiche. Juste pour expliquer. Est-ce que dans les tout à l'heure je l'aurais coupé le micro. Maintenant je vais te le couper. Est-ce que dans le truc il dévalorise Marseille dans l'interview. Alors à l'époque il n'était pas. Je m'en branle. Est-ce qu'il dévalorise d'autres clubs? Cyril, t'es con quoi. Cyril, il dévalorise pas. Cyril, c'est un coup de com. Cyril, je m'en branle. Est-ce qu'il dévalorise d'autres clubs? Je t'entends, Marc. Mais... Prolonger l'aventure avec les Girondins était l'une de nos priorités chez Puma. Puma est extrêmement fier d'être l'équipe anti-officielle des Girondins de Bordeaux. Nous sommes très heureux d'avoir pu prolonger avec cette équipe emblématique du football français. C'est s'appelle de la com, Cyril. C'est pas ça. Mais c'est pas ça que je reproche. Je suis d'accord avec Cyril. C'est pas Cyril, ça que je reproche. C'est ce que je reproche, c'est qu'il nous crache dessus en suçant les Marseillais. Mais c'est de la com, ouais, c'est pas de la com. Allez. Au bout d'un moment, il faut qu'il comprenne que le gars de Puma, il a raison, Cyril, sur ce côté. Ça veut dire que c'était très bien ce qu'il disait. Il peut parler de rayonnement mondial, de parler de gestion com à Arsenal. Et ça vous fait peut-être mal au cul, mais il a raison. Ok, il a raison. Mais si, le problème, c'est qu'il parle de Bordeaux et de Rennes, mais. C'est pas sûr que derrière le projet de Marseille il va marcher, on n'est pas sûr, et l'équipe qui est en train de monter petit à petit, c'est Bordeaux. Adrien, si Bordeaux... vous interprétez au premier degré la communication, il dit ça pour se mettre bien, pour que les supporters ils achètent les maillots, vous comprenez rien? Non, la communication ça se... Il dit ça pour que les supporters ils achètent les maillots plus bas. La communication ça se doit d'être nickel, et tu peux pas... Je comprends pas qu'un patron de marque... Qui sponsorise d'autres clubs, dénigre les clubs qui sponsorisent. Non, mais t'imagines. Mais Seb, c'est une débilité. Vous réagissez sur un truc, mais. Seb, il n'aurait pas dit, ça aurait été parfait. Seb, ça aurait été de la communication. Et après, on passe au coup de cœur de Marc. Moi, j'aimerais bien juste que tu arrêtes de dire que c'est débile, forcément, tout ce qu'on dit, parce qu'en fait, on est juste pas d'accord. Non, parce que vous dites, ce à quoi vous réagissez. Mais justement, arrête de dire que c'est débile, parce que nous ne sommes pas. Il a le droit de vanter Marseille. Mais par contre, que dans la même interview, nous discrédite, c'est pas normal. Je vais te le dire autrement. Vous attachez extrêmement d'importance et vous prenez au premier degré quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui est de la com. Mais c'est un directeur, il doit savoir communiquer parfaitement. Je suis désolé. Au bout d'un moment, je te le fais différemment. Pour moi, c'est de la réaction de base du supporter benéo. Il a dit du mal de Bordeaux. C'est nul. Bref, allez, vas-y. Juste, je me coupe le micro. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu ce qu'a dit Cyril. J'ai pas trop voulu réagir quand vous. Ce qui est bien, c'est que je peux le rallumer quand je veux. J'ai pas trop réagi quand vous avez parlé sur Facebook. J'ai fait exprès de poser la question de cette forme-là. Je rejoins Cyril. Alors, peut-être pas avec autant de véhémence, de justesse, avec autant de violence, mais je rejoins entièrement ce que dit. Putain, je suis d'accord avec Adrien. Arrive un moment, le PDG de Puma, qui doit faire gaffe à ce qu'il dit. Mais sûr qu'il est PDG ce gars-là avant. Oui, de oui, je suis sûr qu'il est PDG. D'accord. Il est PDG. Arrête de vouloir. Oui, il est PDG. PDG Puma France. Arrivé à un moment, moi, ce que j'arrive même pas à comprendre, j'ai envie de dire, moi, je m'en branle dans le sens où il est con, quoi. Il cherche à plus vendre de trucs Puma à Bordeaux. J'ai envie de dire, le truc où tu dis, mais vous attachez de l'importance. Mais un supporter, Putain, mais oui, il attache de l'importance, surtout quand il aurait dit ça sur Saint-Etienne, ça nous aurait rien fait quasiment. Mais il parle de Marseille, il parle pas de, de n'importe qui. Il, est, il parle de Rennes il aussi. Est, il, est sponsor, oui, il est sponsor, il est sponsor de deux marques. Je suis désolé, moi déjà ça me casse les couilles que ça soit Puma, mais même sans qu'ils disent ça, parce qu'en effet on a les maillots les plus affreux du monde, ça, et j'espère que ça, ça va s'arrêter avec Martin, donc l'année prochaine ça marchera pas parce que les choix sont déjà prêts, mais que ça sera fini. Ça c'est une première chose, quoi, ça risque de même durer 2 ans, mais arrive un moment, mais mec, mais si y a... Si parce que moi ce qui me gêne c'est qu'il dit parce que tu crois vraiment que juste t'inquiète pas tu t'en moi, fais pas non, tu crois mais vraiment que pas, le gars pas, tu crois, mais non mais parce que Marc pour te non, faire mais... comprendre un truc, vous croyez vraiment que Puma d'un côté ils ont Marseille qui doit vendre 100 200 non, 300 000 400 000 maillots par an et de l'autre côté ils ont Bordeaux qui en vend 10 000 il dit oh là là non, il faut pas surtout se fâcher avec les 10 000 peignes queues qui achètent nos maillots. Arrêtez un peu, à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné Puma est une hyperpuissance. Ok, c'est indéniable. Qu'ils veuillent Marseille, qu'ils veulent avoir le truc. Ok, très bien. Qu'ils leur fassent de la com, qu'ils les vendent. Ça, je le comprends. Mais que dans le même truc, ils dévalorisent Bordeaux et Rennes. Voilà, pour moi, c'est quelque chose. C'est quelque chose que je peux pas supporter. Et ça me met en colère. Mais vraiment, ça me met en colère. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est-à-dire, arrive un moment quand tu es partenaire d'un club, tu es partenaire du club. Partenaire, ça a un mot quand même. C'est pas juste un truc qui consiste à dire je te file des sous. Tu es partenaire, on leur a quand même filé une mascotte. On est quand même le avant qu'ils aient Marseille, on est quand même le club qui représente le plus la marque Puma en France. Non, non, il y a Rennes. Ah non, non, mais en termes de supporters. Avec quel club ils ont gagné un titre ? En termes de rayonnement, en termes de rayonnement, avec qui ils ont gagné des titres comme la Coupe d'Europe. Ils ont gagné combien de titres Marseille sur ces 10 dernières années ? Combien on a gagné Bordeaux ? Donc arrive un moment, combien a fait de Bordeaux a été en Europe ? Qui a été en quart de finale de Ligue des Champions avec le maillot Puma ? Marc, je te comprends, mais ça, ce sont des arguments de supporters. Non, il n'est pas supporter. Attendez ! Il n'est pas supporter. Il est directeur général. Lui, il s'en branle des trites. Il voit le marché. Il voit son marché. On sent pas et son marché, il est de 1 million de Marseillais. On ne parle pas de supporters. On s'en fout de Marseille. Oublie Marseille. On s'en fout des problèmes. Mais non, parce que votre discours est basé arrête sur ça. Arrête de couper. Écoute ce qu'on te dit. Et on s'en fiche qu'il ait dit que Marseille soit super puissance, etc. Oui, Marseille. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Indéniable. C'est indéniable. Oui, en effet, avec Marseille, il peut construire quelque chose à l'échelle internationale. Et encore, j'ai envie de lui dire à ce pauvre monsieur que s'il avait envie, il pouvait faire la même chose avec Bordeaux. Mais il n'en a jamais eu l'envie. Deuxième chose, il a préféré investir à Dortmund, Arsenal, c'est des choix de la marque, pas de souci. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec Marseille, j'en ai aucun souci. Par contre, aujourd'hui, il est partenaire d'un club qui s'appelle les Girondins de Bordeaux. Et de Rennes. Non, mais et Rennes. Pour comprendre, et aujourd'hui, c'est pas les supporters. C'est pas, c'est, le côté pas les supporters. Supporter, moi, le côté je suis président. On parle de marketing. Aujourd'hui, tu représentes un club. Tu mets des sous dans le club, moi ce que je comprends même pas, il paye aujourd'hui, il met des sous à Bordeaux. Il met pas des sous à Bordeaux parce qu'il sent pour rien, parce qu'il espère que l'argent qu'il met à Bordeaux va avoir un impact sur les supporters bordelais et va avoir une vision internationale, européenne, etc. par la marque Bordeaux. Mais pourquoi, moi j'ai envie de comprendre, pourquoi tu dénigres Bordeaux, pourquoi tu as besoin... Je me tue à vous l'expliquer depuis une demi-heure pourquoi, vous voulez pas écouter. Non. Vas-y, explique-nous pourquoi il dénigre Bordeaux. Parce que quand tu es président directeur général de mes couilles, de ce que tu veux, depuis ma France, tu vois le marché, tu vois pas si tu vas, heurter les pauvres supporters bordelais. Mais alors, tu penses au maillot que tu vas vendre. Et Marseille, t'as un potentiel dans le monde de vente de maillots de malade. En quoi le fait de dénigrer Bordeaux va faire tu Mais parce que quand tu dénigres Bordeaux, tu fais bander le Marseillais, voilà pourquoi. Putain, soyez pas bêtes, bordel. C'est fatigant. Autre question, pourquoi tu fais bander les Marseillais quand tu dis ça? Et le Marseillais dit putain, Puma, oui, c'est des bons. Hein. Il chie sur. Qu'est-ce qu'on fait nous quand Enrique il tweet les sardines au barbecue? Bande sur Enrique, c'est barré comme un voleur. C'est la même chose. Et bien si Enrique mettait des sous à Marseille, et bien je serais curieux de savoir comment les Marseillais. Et le Marseillais sont là, putain, Puma, il chie sur les Bordelais, c'est des bons. Voilà, c'est le marketing. Je serais d'accord avec ton argument. C'est ce que je me tue à vous dire. Non, mais je serais d'accord avec ton argument. Sauf que le problème, dans la même phrase, il parle de Bordeaux et de Rennes. Ça veut dire que c'est. Je les, suis les sûr. Les Rennais, on les entend déjà non, pas non, quand non. ça occurre. Mais je suis sûr que son propos n'est pas maîtrisé. Il a pas le choix de parler de Rennes. Non, il a pris les deux clubs en France. Obligé, il n'est pas obligé d'en parler. Son propos n'est pas maîtrisé. Et c'est comme s'il sponsorisait un nouveau joueur et qu'il disait derrière, il dénigrait les joueurs, tous les joueurs qu'il avait eu, qu'ils étaient moins bons. Parce que tu crois sincèrement. En fait, au final, Cyril, il était le seul à pas être d'accord. Mais au final, c'est seulement qui suis d'accord avec vous tous. Tu crois que ce même. Après moi, c'est clair que je me suis emporté. T'es super fort, mec. T'as réussi à les retourner. Non, mais dans mes propos, je dis vraiment c'est vraiment de la colère de bas étage. Attends, calme-toi. C'est vraiment de la colère. Voilà, c'est du chambrage et compagnie sur leur maillot. Mais clairement, ce que je veux, c'est en disant ça, en fait, c'est... on leur a tout donné. Quand je te dis, dans les dernières années, Bordeaux a tout donné à Puma. Et franchement, entendre dire ça, alors que nous, on a quand même accepté que quasiment, le rose est devenu la troisième couleur de Bordeaux, quasiment. Non, mais à un moment donné, c'est marketingement. Au niveau Puma, honnêtement, ils n'ont vraiment rien à reprocher au club des Girondins de Bordeaux. Et arriver à dire ça et ressortir, en fait... Parce que le Stade Rennais aussi, il ne faut pas oublier que le Stade Rennais, ça appartient à Pinot, le président de Rennes. À un moment donné, les deux clubs qui sont cités, c'est deux clubs historiques Puma. Et franchement, c'est vraiment très décevant qu'ils nous dénigrent comme ça. En fait, c'est vraiment prouvé que, moi, comme moi je le reçois, c'est qu'on n'a vraiment aucune valeur à leurs yeux. Et bah, ça, c'est, vraiment... C'est ce que je vous dis depuis une demi-heure. Merci. Parce que tu crois sincèrement... C'est ce que je vous dis. Parce que tu crois sincèrement... Ben oui, on est d'accord. Tu crois sincèrement que quand ce même PDG, parce que si c'est le PDG France... s'appelle comment déjà ? Non, rien à foutre par rapport au mec. Tu crois vraiment que ce PDG-là, quand il signe avec Tottenham, tu crois vraiment que les... Qu'il a dit un discours différent par rapport aux supporters d'Arsenal. Il a dû dire la même chose. Il a dû dire exactement la même chose, que ce soit pour le Tottenham, que ce soit pour, bien évidemment. Pour, que ce soit pour Arsenal. Et quand il a signé Dortmund, tu crois qu'il a pas chié sur le Bayern? Mais bien sûr. Non, sur Schalke. Mais parce que Bayern, il est pas sponsor et quand ils ont eu Tottenham, ils avaient pas encore Arsenal. Moi, j'espère une chose, c'est qu'en 2020, en 2019, puisque l'appel d'offres se fera avant. Ah, c'est 2019 déjà? Ouais, mais tu le fais avant. Il faut que tu travailles sur les maillots un an avant. On a une précision sur le chat quand même. Laisse-moi finir avant de me couper, merci. C'est juste que j'espère que quand on renégociera, on leur remettra sur la gueule et qu'on ira voir quelqu'un d'autre, c'est tout. Voilà. Pour terminer. Qui s'excuse sur ses propos. Mais on s'en fiche de s'excuser ou pas. Non, de toute façon, les maillots plumages, on peut plus, qu'on ait autre chose, vite. Mais par contre, on a tous acheté le maillot bleu. Je termine là-dessus. C'est le seul depuis Puma que j'ai acheté. Ouh, youpi. Juste, je termine là-dessus, quoi. C'est-à-dire que Puma, voilà. À un moment donné, il faut. Il faut aussi qu'ils reconnaissent quoi que Bordeaux c'est un club qui a compté et qui compte pour eux parce que mine de rien le seul titre de champion qu'a eu Puma en France c'est Bordeaux. Mais je pense que les représentants de Puma ceux qui travaillent avec Bordeaux parce que là c'est le PDG France ont dû mal recevoir ces propos. Parce qu'ils vont se dire, mais nous de notre côté, ça va être un peu plus compliqué de travailler. Oui, c'est ça. Faut pas croire que c'est lui qui appelle. Mais c'est pas lui qui traite directement avec les gérants. On parlait des propos, on parle de Bordeaux surtout. Mais le problème après, c'est au niveau pourquoi le président a fait ça. Mais on parle pas en tant que supporter, on parle en tant que personne qui analyse si le coup de com est bon. Et si c'était nécessaire de faire ça, sa phrase sur Bordeaux et Rennes, c'était superflu, il n'y avait pas besoin. Ça veut dire que là, c'était un propos pas maîtrisé, je ne sais même pas dans quel cadre il a dit en plus. Ah bah c'est une tessienne, lui ne cite jamais Bordeaux, mais aucun de vous n'a mis les propos. Marc, tu vas pas nous relire la brève. Mais si tu cites les gens, on va faire un truc. En quoi ce partenariat serait-il différent de celui lié à Bordeaux ou Rennes? La différence clé, c'est la résonance internationale. Avec l'OM, on va s'employer à maximiser la mise en France. On s'est retrouvé sur un accord international, sur un plan précis. Mais donc il répond à la question. Et la différence avec Bordeaux et Rennes. Il n'avait pas besoin de dire la phrase en plus. Il n'avait pas besoin de la dire. Et surtout que dans une première interview, ils avaient dit ça. Par contre, là aussi, c'est un partenariat nouveau qui nous permet d'avoir une résonance en plus forte à l'international. Avec l'OM, on va s'employer à maximiser. C'est fini. Je t'ai ni dénigré ni Bordeaux ni Marseille. Je t'ai fait la même réponse. Bravo. Et là où Cyril a raison de craindre le pire, c'est quand on lui pose la question quelle sera la griffe de Puma sur les maillots de l'OM. On a décidé d'une manière claire et de concert avec le club de mettre les joueurs et les fans au centre de nos préoccupations. Ça peut annoncer des trucs, mais je pense pas mal, surtout sur les troisièmes maillots. Les marques avec Adidas, ils avaient le orange fluo des Winners. Je pense qu'ils vont se le bouffer. Non, mais ils l'ont déjà eu. Orange fluo, ils l'ont adoré. Oui. La canebière, elle est orange. Les Winners, ils l'ont adoré. Les orange fluo, c'est la couleur des Winners uniquement. Oui, mais à Marseille. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est orange fluo? Pas des fanas du CU et compagnie, que des Winners. Ah, mais ils l'ont kiffé. Va demander au CU s'ils ont kiffé l'orange. Allez. Le coup de cœur, ça va changer. Le coup de cœur, ça va changer. On va rentrer dans le monde des bisounours. Et c'est vraiment pas une expression. Mais à l'époque, il y a que Clément qui faisait des coups de cœur. Oui, depuis que j'y suis, on m'a tous fait des coups de cœur. Oui, mais bon, à l'époque. Ouais, c'est vrai. Alors, ton coup de cœur, d'ailleurs, ça n'a rien. Qu'est-ce qu'il fout dans cette émission, ton coup de cœur? Eh bien, écoute, formidable monsieur Mathieu Laos pour la Sainte Laos. Qui? Épelle-le, ça ira bien. Mathieu Laos. Mathieu Laos, ouais. Puma va leur faire un maillot signé de Yule. Ça, franchement, elle est pas mal, ça là. Non, pour la simple bonne raison que j'avais envie de le citer. Arbitre français, prenez exemple. Mais vraiment, prenez exemple. Il y a eu la gestion des tensions, la gestion du public, la gestion des simulations. Tout. Il a tout géré. Il a tout géré. Il a oublié un penalty aussi. Lequel? Je suis désolé, sur Tolisso en première mi-temps. Sur Fekir en première mi-temps, la sortie du gardien. Adrien, c'est sur Lyon, il n'y a jamais penalty. Alors, déjà, non. Alors, je suis désolé. On va pas débriefer le match de Lyon maintenant. Il n'y a pas péno, il y a hors. Non, mais c'est bon. Ouais, non, mais sérieux, on va pas débriefer Lyon-Béchitas. Non, mais c'est pas le meilleur. On s'en bat les couilles de Lyon-Béchitas. On s'en fout. Si, on s'en fout, je te le dis. Non, mais je parle pas de ce match. Adrien, il y a hors-jeu. Non, mais sur Fekir, sur le gardien qui sort, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Stop, il y a hors-jeu. Donc il y a faute, certes, mais il y a hors-jeu avant. Ils ont vu les hors-jeux, ils ont vu les simulations, puisque Fekir il prend un jaune. Alors il a bien pris le jaune. Il y a simulation, il tombe avant le contact, etc. Il y a simulation. Il a arbitré parfaitement. Les commentateurs m'ont fait péter un plomb. Ils étaient d'une mauvaise foi, je suis désolé. L'arbitre a fait très très peu d'erreurs. J'ai pas vu un arbitre de ce niveau depuis très longtemps. Et pourtant Dieu sait qu'on en regarde. Pas le match il avait arbitré entre Manchester City et Monaco, il avait donné une multitude de cartons jaunes. J'ai pas vu Manchester. Ah, ouais. J'ai vu ce match là. Il te dit que sur ce match là, il a été bon. Il a fait un match parfait du début à la fin. Je suis désolé, j'ai été arbitre. Je peux vous assurer que j'aurais kiffé être à la. Ouais, mais il y a longtemps, parce que moi, depuis que je te connais, j'aurais kiffé être à la place de. Monsieur, vous pouvez arrêter de couper pour des conneries. Ouais, j'aurais kiffé être à sa place, parce qu'il n'y a rien de plus kiffant que d'arbitrer des matchs dans des tensions pareilles. C'est là où tu prends un pied pas possible. Enfin, moi, du moins, personnellement, c'est là où j'en prenais beaucoup. Et enfin, là, c'était chaud quand même. Il est baso, oui, mais c'est là où c'est le plus bon. C'est là où c'est le plus bon, parce que c'est là où ton coup de sifflet. À chaque fois que tu. C'est ça que j'allais te dire. À chaque fois que tu siffles. Tu sais que ça peut avoir une répercussion. Tu sais que ça peut avoir une répercussion terrible. Et quand tu sais qu'à la fin du match, ça a eu aucune répercussion, que ça soit dans les tribunes, que ça soit sur le terrain, il y a même pas eu une échauffourée sur le terrain. Il y en a une, elle a duré 2 secondes. Il a calmé le truc direct. En même temps, va aller mieux pas. Il a mis les jaunes quand il fallait. Il a calmé tout le monde. Ça a été superbement arbitré. Et des arbitrages comme ça, j'aimerais en voir plus souvent. Il n'y avait pas besoin de la vidéo, il n'y avait pas besoin du ralenti, il n'y avait besoin de que dalle. Ça a été arbitré parfaitement. Messieurs les arbitres français, prenez exemple. On a écouté, il a parlé, il a discuté, il n'a pas hurlé. Il a mis des jeunes quand il fallait, il a sanctionné les simulations. Voilà, on souhaite un... Dis-moi au revoir avant de débarrer comme ça. Voilà, j'avais juste ça à dire. Je l'ai trouvé formidable. Bon Alexis, tu dois nous laisser. Ouais, et vive Puma, bisous Cyril, tout va bien. On se retrouve lundi, bon week-end mon grand. Et puis, ouais, va l'ouvrir quand même parce que bon. C'est ouvert. Ah, c'est ouvert ? Parfait. Ouais. Messieurs, si personne n'a rien à rajouter, on va passer pour finir au traditionnel C'est Kiki. Et puis, j'ai choisi un match, vous allez voir, un Nantes-Bordeaux. Oh. Je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde, oui. Celui-là. Alors, faut que je retrouve le générique. Tu sais ce qui manque ce soir? Non. Là, il manque le médiateur, juste pour rappeler. Voilà, voilà mon gars. Tout ce qu'il y a eu dans l'émission, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Là, il est là. Non, mais il y aurait pas eu le C'est Kiki, il y aurait eu le médiateur, je pense que ça aurait été parfait. Alors, le C'est Kiki du soir va opposer l'équipe Cyril Adrien. Ouais. C'est-à-dire t'as les deux, en fait t'as les deux extrêmes de l'émission qui sont ensemble. C'est-à-dire t'as le plus vénère contre le moins vénère. T'as les deux. La vérité est sûrement quelque part au milieu. Par contre, pour être équitable les enfants, un micro pour deux. Sinon, c'est pas du jeu. Et de l'autre côté donc, l'équipe Alexis Marc. Que bon, j'ai pas de dénomination pour vous, donc non, vous en fait, serez c'est normal, Alexis Marc, voilà, y'en a pas. Alors, comme d'habitude, les enfants, des déclarations sur le match qui arrive, des déclarations qui n'ont rien à voir, je vous le préciserai, et un match de légende, entre guillemets, pour terminer. Vous allez voir, donc j'ai choisi un Nantes-Bordeaux, évidemment. Je vous donnerai la saison, je vous donnerai quelques indices pour vous aider à trouver, et vous allez voir, il n'est pas si facile qu'on pourrait le prétendre. Allez, on commence avec la première déclaration sur ce match-là. Attends, on va couper ça là parce que c'est insupportable. Au bout d'un moment, c'est... Wow. Mais le pire, c'est que sur le match, je suis en train de chercher les enfants. Je sais même pas si j'en ai. Si, Gourvennec. Non, mais sérieux, je vais les prendre dans l'ordre et puis je vous préciserai. Allez, c'est qui dit... Mais par contre, j'ai ça. C'est qui dit... Ah, yes. C'est très facile, messieurs. Écoutez bien, ça... Ça va aller très vite. Sur mon retour à l'Escure avec Marseille. Marc Giresse. Non mais arrête de donner ton nom. Oui, c'est vrai. J'étais à fond. Alain Giresse qui Giresse parle de son retour avec le maillot marseillais. C'était dans l'équipe. J'ai beaucoup trop de choses à dire pour les dire. Il y a des choses qui m'ont troublé, c'est peu dire. Et je l'ai très mal vécu. Je n'arrivais pas à jouer contre eux. Je n'ai jamais pu franchir ce pas et être dans des conditions normales sur le plan moral pour jouer. Ce qui a inspiré à Florian. Qu'on a eu tout à l'heure au téléphone un petit tweet. Voilà, ah, c'est ça que j'allais dire. Ouais. N'est-ce pas alors, je sais pas comment on dit, hashtag Certic. Bientôt à René, à Stade Galice, tu comprendras. Trois petits points. Donc, si vous voulez retrouver la déclaration entière d'Alain Giresse, c'est dans l'équipe ou sur la brève qu'a retranscrit Rico sur G33. 1-0 pour Marc et Alexis. Tiens, celle-là, alors, je vous demande pas son nom. Mais si vous avez sa fonction, déjà, ça sera pas mal. Attention, c'est très compliqué. C'est qui dit ? Il n'a pas beaucoup de hauteur. Déjà, il faut trouver de qui il parle. Mais c'est un joueur physique. Prioto Cresser, le formateur. Non, Mantini. Ah, mais on sait à qui parle. T'as dit qui ? Moi, j'ai dit Mantini. Non, c'est le formateur de Mantini. Le point est là. Prieto, il parle de Mantini, mais c'est. C'est Mayo son... ou je sais plus quoi. Ah, il est pas mal le gamin. Di Meola. On peut pas loin, mais. Alors là, tu vois, j'ai envie de dire. Le point va en face. Non, alors j'en ai pas ennuyé parce que c'est le directeur. Et de Di Meola, on l'a eu en interne. On l'a eu dans Girondin Analyse. Ah bon ? Donc rien que pour ça, on devrait dire ça. Sérieux ? Ouais, on l'a eu en direct. Et puis on a eu Mantini et Vada quand ils avaient 13 ans. Ouais, c'est ça. Donc tu vois. Mancini. Ah oui, tu vois, j'ai eu Mancini. Non, mais c'est bon, on a le point. Oh oui, non, bah quand même. J'ai dit la fonction, tu m'as donné la fonction. Ouais, non, mais bon, t'as compris. Ouais, ah ouais. Ça, c'est Prioto Cresser, c'est bon. Putain, t'aurais fait mauvais. C'est qui dit ? C'est qui dit ? Écoutez bien. C'est qui dit ? Oui. Le club est fantastique, bien développé. Non, bien développé et structuré. C'est l'équipe la plus importante dans mon pays. Enfin, dans le pays où je suis. Vada. Non, quand je suis arrivé ici. Je me sentais un peu comme à mon ancien club. Ah merde. Jovanovic, c'est trop facile. Les fans veulent nous voir gagner, l'environnement est très sympa, il y a de la pression, il y a de l'ambition, mon coach ici. Non, est un bon entraîneur, il est droit, il est honnête. Non. Malcolm est satisfait. C'est pas à Bordeaux. Eh ben non, c'est peut-être pas à Bordeaux. Lima. Non, mais dans le micro Cyril, mets le micro au milieu Adrien. Nakulma. Non. Lima. Non, c'est pas sur le match de ce week-end. Donc c'est pas alors je vais continuer. Mais je peux avoir du temps de jeu. On me donne régulièrement 20-25 minutes. Et même quand je reste assis sur le banc, le coach est positif avec moi. Je sens qu'il y a des ondes positives. Nous verrons si je reste. La décision se fera d'ici le 15 Jovan du mois. Tin. Eh bah ben quand même. Adrien, t'es scandaleux. Putain. Je te sors une phrase de Tellin. T'es même pas foutu de me trouver quoi. Sans déconner. Mais ça c'est comme une rupture amoureuse. Ah ouais, non, on là, écoute plus ce qu'il dit. Alors attention, ça va aller très vite. Jaroslav Plazil, c'est à lui de voir avec le club ce qu'il veut faire. Gourvennec. Non. Martin. Non. Non, c'est Plazil, c'est à lui de voir. Il a une clause qui prévoit déjà une année de plus, mais il peut aussi dire stop, tout comme le club peut aussi le laisser libre. En gros, le gars t'explique oui. Ah mais. Non, mais c'est pas loin. De Wessler. Non. Mais c'est pas loin. Non. Non, c'était plus proche de Ramé que de Wessler et Martin. Aujourd'hui, il n'est plus titulaire. Batiston. Non, et ça l'affecte. Je le vois quand il est sur le banc de touche, que je suis à côté de lui en bord de terrain. Huard. Voilà. Ouais, oui, l'indice, les gars. Quand je suis à côté de lui en bord de terrain. Huard, c'est pas un membre du staff de Bordeaux. Non, mais quand tu dis, il m'a dit Ramé, Huard est plus près de Ramé. Le lien est plus près entre Ramé et Huard. Excusez-moi. C'est qui dit. C'est qui dit la Ligue 1 est vraiment supérieure à la première division. Gage. Non. Levchuk. Levchuk, il est là. Non, il est là. Non, Marc, il est là. Non, t'as dit Jovanovic. T'as dit Gajic. Il a dit Jovanovic, j'ai dit Levchuk. J'ai pas dit Gage. C'est lui qui l'a dit Gajic. Non, j'ai dit Gage Levchuk. Oui, et moi j'ai dit Levchuk quand tu disais Gage. Non. Moi, pour moi, j'entends ici avant. Ben, Marc, ça, c'est sûr. Tous les lundis, Non mais point annulé, je suis désolé, j'ai dit la choupe. Y a pas mort d'homme, vous menez, il y a encore plein de choses. Escroquerie encore une fois. Si tu veux, t'es qui sur l'équipe, putain. C'est qui dit ? T'écouteras le podcast. Jocelyn Gourvennec grandit en même temps que le club se redresse. Point pour la semaine prochaine. Allez, on s'en fout. Point pour la semaine prochaine. Mais il sera pas là. Non, Jocelyn Gourvennec grandit en même temps que le club se redresse. Gautreau. Non. Je pense Bavard. Que. Bavard. Non. Je pense que là, Cyril, à mon avis, il y a. Je pense qu'à part toi, si peut-être Adrien le collait. Mais. C'est un journaliste. Non, c'est pas un journaliste, c'est un consultant. Plus la saison avance, plus le Bordeaux de Jocelyn Gourvennec me surprend. Très agréable. Marc Libra. Non. Non, non, faut chercher plus. Carrière. Plus sur Bordeaux, quoi. Carrière. Pargeon. Non, non, voilà. J'ai eu Pargeon. Bim. Girondin TV. C'est qui dit ? Ah, ça là, ça va être une question de rapidité aussi, je pense. Je suis passé du fond du trou au sommet du monde en 6 mois. Aimé Jacquet, il est venu me voir quand j'étais. Lisa Razou ! Voilà. Mais quelle émission magnifique d'ailleurs. Non, mais elle était vraiment magnifique ça, l'émission. Ah, il était sur le divan de. C'est ouais, ça, de Marco. C'était vraiment, vraiment bien. Et il a dit j'étais Bob prêt à. Bob nous dit sur le chat, pas de podcast, les gars, les propos de Cyril sont trop. Ouais, on les coupera au montage. On coupera au montage. J'étais vraiment, prêt c'est trop à me péter la jambe pour Aimé Jacquet, c'est ce que disait Bichente Lisa Razou. Donc, pareil, il propos était que en vous pouvez retrouver sur G33. Attention, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. En CFA2, nous affrontons de bons joueurs, parfois Baptiston. Même d'anciens professionnels. Et non, ça serait Trésor. Trop facile si c'était Baptiston. Après la descente de l'année dernière, l'objectif est de remonter cette saison. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Trésor ? Non, attention indice, entre le groupe pro et la réserve, il n'y a pas de... Youssouf ? Vraiment de différence. Alors ça, franchement, de dire ça, moi, ça me fait halluciner. Kevin Sony ? Non. Oh, oui. Non, dans le micro, Cyril. Traoré. Non. Bernard Denis. Non, le travail et les efforts. Un gars qui dit Pungé. Qu'il... Non, il voit pas de différence entre le groupe pro et la réserve. Katini. Kabouni. Voilà, Kabouni. Oui. C'est quand même hallucinant de dire ça quand même. Entre le groupe pro et la réserve, il n'y a pas vraiment de différence. J'espère que c'est au niveau du travail et pas au niveau de l'intensité et du niveau, parce que sinon c'est grave. On va continuer. Tiens, c'est qui dit ça, c'est facile en janvier. Enfin, c'est facile. Tout le monde s'est remis en question, les joueurs, même le staff. Gourvennec. Non. Non, Sabali. Non, tout l'allant. Voilà, tout l'allant. 4 partout. Putain, mais comment 5 à 4. Moi, je savais pas, moi. Non, il y a 5-4 pour. Non, moi, je te dis que je compte les points. Il y a 5-4. Ah oui, pardon. 5-4 pour Cyril et Adrien. Quoi ? Si, si. Et ouais. Et toi, tu voulais 6-4. Ils ont enchaîné deux d'un coup. Interrogé ces derniers jours, s'il vous plaît, interrogé ces derniers jours par Girondin TV. J'en ai pas cette chaîne. Eh non, il dit je suis né à Bordeaux, du coup les Girondins c'est mon coup de cœur. Pungé. Non, c'est un peu tarabiscoté. Qui c'est qui est né à Bordeaux ? Porter les couleurs de son club, c'est vraiment quelque chose de très Over beau. Mandanda. Non, au début mon père n'était pas trop d'accord car il disait que j'étais trop jeune et qu'il ne voulait pas me voir partir pour le grand club de la région. Non mais c'est dans ces eaux là. Alors je suis resté une année de plus, écoutez bien l'indice, à Bassins. Merci. Qui t'a dit ? Non. Mais la deuxième année, il a accepté que j'aille Youssouf. À Bordeaux. Youssouf qui ? Zaidou. Voilà. Zaidou. Bah, je sais pas s'il est de Bassins, il est de mais Bassins, il a joué à Bassins. Parce que Bassins, il y avait Kabouni qui est de Bassins. Ah d'accord. Bah, après, il a joué. Je sais pas s'il est de Bassins. Il a joué à Bassins. C'est sérieux, juste comme ça, petit aparté. 6-4. Comment tu peux savoir que Kabouni est de Bassins ? Bah, parce que Cyril, il est jeune, il connaît. À l'époque de Gambardella, voilà. Kabouni, c'était la star. Attention, de la qui il dit, les espionne. C'est qui dit Laurent Blanc est à mes yeux la classe incarnée. Gassé. Ouais, Gassé, il est là. Ça s'est joué à pas grand chose. Il est parti en premier. Mais il est parti en premier. Comme d'habitude. C'est qui dit l'apport du 12e homme, on en a tous besoin. Gourvennec. Non. En rapport Saint-Carré. Évidemment avec le match de son carré. Un Nantais, c'est comment il s'appelle C'est pas un Nantais. Sankaré. Le journaliste. Non. Sankaré. Non, non, non. Les Tchouks. Mais si, non, mais quand je l'entends hein, quand tu le dis pas parce que je te regarde pas. Palois. Mais si je te dis. Non, non, non. Les Tchouks. Non, non, non. Non. Sabali. Voilà, Sabali à gauche, c'était facile. Oh là, je me suis pas trop pris le chou ce soir. Attention. Ouh là là là. Attention, celle-là. Elle est un peu tarabiscotée. Pas tarabiscotée. On a essayé de faire en sorte que l'ensemble de nos éducateurs aillent au moins une fois là-bas voir comment le proyecto travaille. Et vice-versa. L'autre, pas Jimmy Aola, ou je sais pas, j'ai plus son nom. Il ne s'agit pas d'imposer une façon de faire, mais que les deux. Ah non, De Wessler. Voilà. De Wessler. Et c'est hyper serré ce soir, ça va se jouer à un point. Tout ça grâce à moi. Même si je pense que Cyril va vous défoncer sur les équipes, l'équipe de légende. Attention, question de rapidité. C'est qui a dit. Sébastien. Non. Si. Place à la rééducation. Maurice. C'est pas Pungé, Gilbert. C'est Gilbert. J'ai un point. Oui. On est en même temps. Je m'en fous, tu me laisses celui-là. Il a tweeté une photo de lui avec son bras en écharpe. L'opération s'est bien passée. Yes. Pour fête, Gilbert, place à la rééducation. Il y a un truc qui me fait triper sur les clés de Alexis. Non mais énorme. On parle de l'opération et tu parles de clés d'Alexis. Vas-y, sérieux, vas-y. Gilbert est... Sérieux, oh, vas-y. Manque de respect total, mais bon, c'est pas grave. Hashtag manque de respect. Mais donc du coup, Gilbert a voulu manquer de respect, mais bon, il s'est fait opérer de l'épaule, donc c'est vrai. Voilà. On va lui souhaiter bon courage. Ce qui est pas super bon signe pour nous, puisqu'on va le récupérer. Mais alors, de toute façon, je pense que de toute manière, il a dit clairement, je me vois comme un transfert définitif. Si quand va en Ligue 2, à mon avis, on le revoit. Bah oui, c'est vrai. Non, mais Gilbert, le Cap Ferret, c'est mieux pour récupérer que le Nord. Vous allez me donner, messieurs, et c'est le dernier point à prendre avant le match. Vous allez me donner, alors là franchement si vous l'avez pas lu vous pouvez pas le savoir, mais je vous aiderai. Vous allez me donner le nom du nouveau partenaire des Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux ont un nouveau partenaire. Non, c'est pas dans le culinaire. La lunetterie bordelaise. Voilà, il est là. Je l'ai tweeté au club. Bien vu. Je l'ai tweeté au club. Le jeu de mots de merde de Claude Bez. Le Claude Pèze, il nous a fait un jeu de mots de merde. Il a mis quoi? Il a fait l'année. Alors, déjà, tu as la photo de lunetterie, donc il y a plein de joueurs, des féminines, des enfants, je pense la directrice. Et tu sais, après, ils font les lunettes, c'est juste le rond avec le oui. trait, que des couleurs flashy. Ils font des modestes? Et ensuite le petit tweet l'année prochaine le port de la lune trois petits points être sera obligatoire pour les joueurs bordelais. C'est carton rouge. Alors messieurs, moi, c'est très simple, on va passer au match de légende. Il y a combien 7 pour Cyril et Adrien, 8 pour Alex et Marc. Normalement il devrait y avoir un point de moins pour eux et en théorie c'est là où normalement ils vont faire la diff. Enfin Cyril va faire la diff. Ouais Cyril, je compte sur toi. Messieurs, nous sommes au stade de la Beaujoire 96. Marcel Sopin, Louis Fontenot pour les plus anciens. Je vous demande pas l'affluence, vous me la donnerez en cas d'égalité. Nous sommes le bonne soirée, les gars. Nous sommes le 5, c'est la 37e journée de Ligue 1. Nous sommes le 6 mai 2006. Avant-dernière journée. Oui, mais c'est pas si facile. Avant-dernière journée de Ligue 1. Donc Bordeaux se déplace à Nantes. Le score, je vous le donne pas. Les buteurs, je ne vous les donne pas non plus. Vous allez comme d'habitude. On peut essayer le score chacun son tour. Non mais non, parce que forcément à un moment donné, non, le score à la fin, vous aurez une tentative. Ok. Nantais-Bordelais, vous allez me donner des deux côtés, il y a eu trois remplacements, vous allez me... et coach inclus évidemment, les 11 titulaires de chaque équipe, commencé par les Bordelais évidemment, hein. Les Nantais, il y en a des très connus. Donc 11 titulaires, trois remplaçants de chaque côté, les deux coachs, allez-y, on commence 2005-2006. Qui commence. Donc c'est l'année où on a... C'est l'année 2005-2006, si ça peut vous aider, c'était les maillots bleus Motorola. Oui. Donc, Cyril coup, Adrien, à vous. Bon, je tente. Ah, Chamac. Chamac, évidemment, il était titulaire. Ça fait un point. Bah, Ramé. Vous. Ramé, évidemment. Tant que vous avez les fesses. Mavuba. Mavuba, évidemment. Là, on commence par tranquille. C'est après que vous allez voir. 2006. Attends, on peut avoir le nom. Non, bah le nom, non, c'est à toi de le trouver. Non mais qu'on a déjà dit. Ils ont dit ils ont dit Ulrich Ramé. Franck Jurietti évidemment était sur le terrain. À vous. Cyril Roll. Eh ben non, Cyril Roll, il était ni titulaire et il est pas rentré en jeu. Marc Planus, il est où Marc Planus? Attends, est-ce que je l'ai dans la liste? Eh ben non, Marc Planus non, il était peut-être suspendu ce jour-là mais il était pas là. Attends. Darcheville, il était là. Faubert. Il était là. Ah, c'est toi qui as répété. Jurietti, ils l'ont déjà dit. Ils l'ont pas dit, Jurietti. Si. David Gemali, il était là. Cyril Adrien. Alonso. Et je te ferai remarquer juste pour information que ton. Attendez. Attends. Répète, donne-moi ta réponse. Alonso, que j'ai pas entendu. Il a dit. T'as dit Fernando Alonso? Oui. C'est une bonne réponse. Quoi, c'est une bonne réponse? Eh ben oui, ouh. Oui, Alonso. Fernando Alonso, je suis con. Alejandro Alonso, c'est une bonne réponse. Fernando Alonso, non, c'est le pilote de Formule 1. Allez, bon pilote à l'époque à Bordeaux. Alejandro Alonso, je l'ai sous les yeux. Non, pas de soucis. Donc, c'était 2005-2006. Oui. Ensuite, on a eu 2006. Oui, bah oui, et puis après 2007-2008. Je suis con, je sais pas compter. Mais donc, il y a Fernando Meigazo. Je te ferai remarquer que ton erreur de tout à l'heure a fait passer à égalité. Fernando Meigazo. Fernando, il est bon. Oui. À vous. Il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5, si je compte le coach. Et après, les Nantais, évidemment. Il y en a des très connus, des Nantais. Vous pouvez Ricardo. Les... Oh, mais non, non, non, non. 2005-2006. Ricardo. Ricardo, évidemment, ah oui. Et coach des Girondins à ce moment-là. Sommeil. David Sommeil. Eh ben non, David Sommeil. Et là, on va rentrer dans le dur un peu. Alors, l'entraîneur adjoint, Patrick Holter. Non, non, mais non. Ouais. Il en reste 3, c'est pas compliqué. Ah, pardon. J'ai dit une bêtise. Je vais rajouter. Alors attends, je vérifie. Oui, j'ai dit une bêtise. C'est vous qui avez dit Marc Planus tout à l'heure. Oui. Je l'avais pas vu, autant pour moi, il y était. Je sais bien, culpa. Je rajoute le point rouge. Qui était bon. C'était donc fin d'année. C'était ouais. Dernière journée, avant dernière journée, 37ème. Non. Il vous en manque 1, 2, 3, 4. On va pas se mentir, c'est pas les 4 plus évidents, mais ils sont largement trouvables. J'en ai peut-être un. Moi j'en ai peut-être un, mais. Cherchez dans les remplaçants de l'époque. Francia. Voilà, gamin. Francia, il était là. Il n'y avait pas un Afanou ? Non, il n'y avait pas Afanou. Et justement, qui ? Il vous manque un défenseur central. Qui ? Il vous manque un défenseur central, un milieu de terrain, un attaquant. Et la carrière ? Non, pas et la carrière. Il n'y a pas un Moussampa qui traîne quelque part ? Eh non, non, Moussampa, c'est évident. J'ai pas un talent, c'est vrai. Ah bah, mais Enrique. Vous les connaissez, hein ? Non, vous les connaissez, mais ils viennent pas tout de suite à l'idée. À vous. Un défenseur, un milieu, un attaquant. Défenseur, alors. Je sais, peut-être. L'attaquant est pas resté longtemps, mais on peut dire. Perea que... Non. C'est votre réponse, c'est pas ça. Non. Non, mais non, dis pas des noms au hasard. Vas-y, j'en dis un. Gérald Cid. Non. Voilà, bon, il dit Gérald Cid, c'est mais bon. Mais il a pas vous. Tort, lui, non, l'attaquant c'est... est pas resté longtemps, il restait qu'une saison, je crois, mais il a quand même plutôt fait une David. Bonne. Non, il a laissé des bons souvenirs en tout cas. Denilson. Voilà, Denilson était l'attaquant ce soir-là. Il vous manque un milieu, un défenseur, un milieu qui a lui pour le coup. Un défenseur. C'est à qui là ? C'est à vous. Défenseur central. Il y avait. D'ailleurs, je sais même pas qui. Il y avait Planus et il y avait l'autre. Et ben moi, je veux que tu me donnes l'autre. Et à l'époque, quand il est venu à Bordeaux. Capsis ? Non. Quand il est venu à Bordeaux, il avait une bonne cote à l'époque. Ah, je l'ai, putain. C'est Beto. Voilà. C'est Beto, exactement. Il vous manque. J'ai le milieu. Le milieu de terrain, à droite. Par contre, j'ai le milieu, évidemment. Tu l'as ? Ah, ben oui. À droite. C'est un milieu, on a dit. Très, il est connu, tu le connais, Marc. Tais-toi, je l'ai, moi. Eduardo Costa. Eh non. Chérou. Eh non. C'est pas Chérou. Eh non, c'est pas Chérou. Mais très connu. J'en ai un autre. On a dit. Bah oui, Ducasse. Eh bah quand même. Ah bon. Pierre merde. Ducasse. C'est pas celui-là que j'avais. Alors, je fais le total. S'il y a attends, égalité. Attends, il y a les Nantais. Attends, attends. Avant les Nantais, parce qu'il est déjà un peu tard, je vais faire le total. S'il y a égalité, on partira sur les Nantais. Ça fait 10, 12, 13, 14, 15 pour l'équipe. Marc et. 1, 2, 3, 4, et 5, Alexis. On a perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'équipe Cyril, eh ben ça se joue à un point, puisque pour un point, c'est l'équipe Marc Alexis qui l'emporte 15 contre 14. L'erreur que t'as faite, Adrien, tout à l'heure en répondant trop vite, en disant je sais pas quoi, ça, machin. Il y a aussi le Faubert qui nous ont piqué là. Oui, mais enfin, non. Il y a les Chouks. Alors, juste pour le fun, Bordeaux l'avait emporté 1-0, un but de Jean-Claude Darcheville sur pénalty à la 79e minute. Ah, et côté Nantais, vous auriez pu vous lancer côté Nantais, il y avait Landreau, c'était trouvable. Signorino, c'était trouvable. Toulalan, c'était trouvable. Savino, c'était trouvable. Denis Soliec, Darocha, c'était trouvable. Capou, c'était trouvable. Quin, Chérou, c'était quand même, je pense, pas pour Cyril, oui, Alex aussi, après Marc et les. Moi, j'aurais sorti Viron et Moldovan, je pense. Ouais, moi aussi, tu vois, j'aurais été plus, mais c'était peut-être avant, non ? Moldovan, avec Vairua et tout ça. Bref, eh ben, avant de se quitter, messieurs, dames, le traditionnel résultat de la question que personne ne se pose. Hop là, voilà. J'espère que t'as ouvert le lien. Parce ouais, que ouais, je l'ai ouvert, mais alors je crois que Marc, on a battu un record ce soir. Elle était vraiment flinguée. On a battu un record, je crois, du aussi peu de nombre. À quelle heure on l'a posté ? Non, mais c'est Twitter. Bon, on l'a posté mardi. Comment ça, c'est longtemps. Twitter ? On l'a lancé mardi sur Twitter. Non, mais moi je suis sur Pixul là, je suis pas sur Twitter. Hein. T'as quoi comme question que personne ne se pose ? Bah, qu'aurait dû répondre la préfecture du 44 après ses rebondissements d'avant Nantes Bordeaux. Ah oui, non, mais attends, je t'explique. Il y a. Pourquoi là ? Moi, je suis sur Pixul comme d'habitude, quoi. Comme d'hab. Je l'ai comme d'habitude. Et je crois qu'on est en train de battre un record. Alors, je viens de faire la mise à jour. Alors, donc... Oui, je viens de le faire juste avant... Putain, mais je vais pas l'actualiser toutes les 20 secondes. Mais pourquoi on peut pas faire un truc... Ouais, radio connectée. Pourquoi, alors là, on fait deux questions que personne ne saute, on va pas faire qu'une ? Sans déconner, pourquoi tu la mettais pas sur Twitter ? On s'en fout de Twitter, on fait comme on faisait avant. Je sais pas pourquoi... Pourquoi on l'a mise aussi sur... Ah ouais, la mettez pas sur Twitter, ça divise les votes. C'est extra sec. Mais non, mais ça fait deux trucs, on s'en fout, il en faut qu'un. Bref, donc... 12% vous êtes tous IDS, invitation, DEP, voilà, solidaire. Donne les scores. Alors juste donne les scores en même temps, qu'on rigole, alors, qu'on compare. Bah, qu'on compare. Sur Twitter, 9%. Pour donc, dernier. Voilà. Ouais. Toi, c'est moi, en 3, j'ai 26% pour vous êtes donné tous mal pour un match de merde le week-end de Pâques. Non, c'est pas ça que c'est pas ça. Ouais, en fait, Rico a réécrit la en 3, j'ai tous en jaune, même l'alcool. Ouais. Moi, je l'ai, alors, moi, je l'ai dans aucune de mes propositions. Rico, il faut qu'on se mette d'accord. Alors, non, mais, attends, mais c'est le débat, il est réglé. On en fait qu'une sur Pixul, basta. Mais oui, mais d'accord, si tu veux, mais la question était déjà posée, sauf qu'elle a été reprise. Ah ouais. On donne les résultats sur celui-là, je les ai donnés en. Donc deuxième, ok, on avoue, c'est pour favoriser le FC Nantes, donc 30% et 32%, bah normal, hein, apéro pour tout le monde. C'était quoi la question, la vraie question ? Qu'aurait dû répondre la préfecture du 44 même, après ses rebondissements. Il a changé la main. Il a changé une réponse. Plus ça les mecs, on s'en sort pas sinon. Alors, ben voilà. On va remercier Rico, hein. Nos amis du chat qui étaient présents ce soir. Merci à vous d'être fidèles. D'ailleurs, que vous soyez du chat ou pas du chat, merci à vous pour votre fidélité. On va remercier Florian Brunet pour la première heure. On va remercier Clément Pédron pour la deuxième, journaliste aussi, à West France. Qui nous a aussi remercier. Voilà, on peut lui renvoyer un petit message. C'est fait. Messieurs, on rappelle que dimanche, donc 15h, Nantes-Bordeaux. Voilà. Est-ce qu'il y a un match, Cyril, de jeunes à Bordeaux ou pas ? Non, tu sais pas. De jeunes ou de CFA2 ou de... Sûrement. Non, bah, en fait, juste question con, les filles, c'est mort, ça descend la prochaine. Bah, il faudrait déjà qu'elles jouent pour ça. Je ne sais pas. Bah, non, ils ont perdu contre Albi, non ? Ouais, mais genre, il doit rester encore un infime espoir. Ouais, genre, si elle gagne tout. Ah, mais elles sont à deux points là, de se maintenir. Oui, bon, on verra à la fin. Allez, les phrases de fin et on se quitte là-dessus. Ouais, mathématiquement, Nice peut être champion, tu vois. Donc. C'est ça. Ouais, FCGB, le titre en 2019. Mathématiquement, on peut être champion l'année prochaine. On peut monter un projet, les gars. Là, on est en 2017. On peut monter un projet champion, Champions Project 2019. Non, ne nous mettez pas dans le même sac que les sardines, s'il vous plaît. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Alors, toujours plus loin, elle me le dit. Toujours plus fort, elle me le dit. Mais alors, toujours plus haut. Elle te le dit pas, ça, tu peux pas. Elle me le dit pas forcément. Mais moi, elle me le dit. Hein. Voilà. C'était ça, l'instant beauf de l'émission. Alors, messieurs, dames, moi, pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues. Mais c'est Bordeaux que tu représentes, on vous remercie tous infiniment. On se retrouve lundi 21h-23h. T'as loupé Marc et. Quoi ? Et non, il a pas fait sa phrase et moi. C'est pas... Ah bon ? Ah pardon, excusez-moi. C'est pas grave, moi tu sais. Bah, fais ta phrase, Marc. Désolé pour la prophétie. Mais je croyais que ta phrase c'était moi non, plus haut oui. Moi je crois que c'était ça ta phrase non, de merde. J'ai enregistré sur la merde qu'il avait dit. Arrête, c'est Olivier Mine. Chaque phrase est un débat, tu vois. Il a pas dit bonjour. Allez, accouche. Béani, envoie un bisou de ta femme parce que j'ai pas pu lui faire tout à l'heure en partant. Et donc, Alexis, ta phrase c'est... L'important, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Voilà. Oui. C'est de la pub, faut se méfier quand même. Oui. J'ai pas dit la marque. L'important, c'est pas les joueurs. Même si c'est Winamax, enfin... j'ai pas dit la marque. Ah, c'est pas comme si c'était Betclic ou juste pour info, Parion Sport. Bordeaux, les féminines ont 11 points. C'est Saint-Etienne qui est le premier non relégable avec 14 points. Ouais. Ils ont un match en retard. Sachant que je crois que c'est sachant 4 points. Sachant que quand tu. Oui, c'est 4 points, voilà, mais enfin, peu importe, c'est toujours un écart de 3 quand tu gagnes et quand tu perds. Ça pue un peu quand même. Hein. Oui, c'est difficile. Bah, mais rien n'est facile dans parce la vie. 12, ça veut dire qu'ils ont combien de matchs à jouer ? C'est-à-dire 11 et 11, ça fait 22 matchs. Non, c'est fini, il reste genre 3 matchs ou 2. Ouais, c'est ça, il reste 4 matchs. Faut tout gagner. Très compliqué. Alors donc, la phrase de fin, on va y arriver. J'en avais pas. Ah bah, merci. Attends, ça, mec, ça fait 8 ans qu'il fait l'émission. Il nous a pourri 10 ah oui, minutes. Sachant qu'il y a un petit Bordeaux-Lyon. Ensuite, il y a un petit Marseille-Bordeaux. Ouais, donc, ouais. Et ensuite, il y a un Bordeaux-Juvisy. Ouais, donc t'oublies. Allez. Et un Bordeaux-Paris. Non, parce que Juvisy, toi, ça te parle pas, mais accessoirement, elles sont au top. Juvisy, on joue contre les premiers, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes. Ouais, donc c'est bah voilà. Allez, on ne sait jamais. Bonne fin de championnat. Puis on en reparlera évidemment en fin de saison. Allez, messieurs, on se quitte là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, 21h-23h, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. Bonne soirée, bon week-end, bon match dimanche après-midi, que vous soyez à la Beaujoire ou pas. Et allez Bordeaux!